Je voudrais bien garder le contact physique direct avec toi. Que toutes les nuits, sous la couverture, que nous restions ensemble. Que toi, avec tes 37 degrés de corps, et moi mes 37 degrés de corps, ça ferait 64.